27 boulevard. J'ai perdu Mister Goodbar. Je vais retourner dans mon plumard. Je suis qu'un boubou, un peu mou, toujours sous, sans un sou, mais je m'en fous. Je suis qu'un boubou, un peu con, toujours rond, sans un rond, mais je m'en fous. Je suis qu'un boubou, un peu fou, un sardou, un chaperon, mais je m'en fous. Ça fait 30 ans que je chinoche, que je fous mes mains dans les poches. Je travoltise dans les baloches pour ramasser la plus moche. Hollywood, j'ai loupé le coche. Je vais retourner à la bastoche. Je suis qu'un boubou, un peu mou, toujours sous, sans un sou, mais je m'en fous. Je suis qu'un boubou, un peu con, toujours rond, sans un rond, mais je m'en fous.